Quel bonheur d'être au Bénin. Tao est tellement bien accueilli en Afrique. À la sortie du village du Marguya, il rejoint la piste, ce chemin de terre qui serpente au milieu de la savane. Tout à coup, il aperçoit au loin une bosse sur l'horizon. Intrigué, il s'approche. Tiens, mais c'est une dune ? Et là, une deuxième ? Qu'il est doux et chaud ce sable. Il s'enfonce doucement dans le désert, le Sahara.